إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc alhamdulillah aujourd'hui les frères on est arrivé au point où le cheikh il parle d'un sujet qui s'appelle حشر الناس إلى أرض الشام d'accord c'est-à-dire l'exode des hommes des êtres humains vers la terre de la Syrie la Palestine la Syrie toute cette région là du Moyen-Orient on appelle dans les termes arabes الشام الشام d'accord et le cheikh il commence par citer la parole de l'imam Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya il dit قال الإمام Ibn Kathir في النهاية ثبت في الصحيحين من حديث وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق راهبين وراهبين واثنان على بعير على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا Donc, le hadith, il mentionne un hadith qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. C'est un hadith de Wuhayb qui est rapporté selon une chaîne. Et il mentionne la chaîne, il dit selon Wuhayb. Et selon Abdullah ibn Tawus, selon son père Tawus, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens seront, rassemblés de trois façons. Premièrement, Rahibina wa rahibin. Yani des gens qui vont s'en aller par leur propre gré, et d'autres qui vont s'en aller parce qu'ils vont s'enfuir. Et deux, il y en a qui vont s'en aller par, sur une monture, hein, qui vont être soit trois, deux sur une monture, ou trois sur une monture, ou dix sur une monture, hein, et le reste d'entre eux vont être, rassemblés par le feu. Et ce feu-là, il va les suivre, peu importe où ils sont. Lorsqu'ils se reposent, le feu va les suivre. Et lorsqu'ils vont dormir le soir, le feu va les suivre. Et lorsqu'ils vont se lever le matin, le feu va les suivre. Et donc, peu importe à quel moment, le feu va continuer à les poursuivre. Et ensuite, il continue, le cheikh, il parle, il dit « ثُمَّ سَاقَ الْأَحَادِثِ فِي هَذَا الْمَعْنَى ثُمَّ قَالَ » Ensuite, le cheikh, il a mentionné d'autres hadiths qui parlent de ce sujet-là, dans différentes narrations. Et puis là, il a expliqué, il a dit, ثُمَّ قَالَ, Ibn Kathir a dit, فَهَذِي السِّيَقَاتِ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْحَشْرِ هُوَ حَشْرِ الْمَوْجُدِينَ فِي آخِرِ الدُّنْيَا مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ إِلَىٰ مَحَلَّةِ وَهِيَ أَرْضُ الشَّامِ وَأَنَّهُمْ يَكُونُونَ عَلَىٰ أَصْنَافٍ ثَلَاثَةٍ فصنف طامعين كاسين وراكبين وقسم يمشون تارة ويركبون تارة أخرى وهم يعتقبون على البعير الواحد كما تقدم في الصحيحين واثنان على بعير وثلاثة على بعير إلى آخر إلى أن قال وعشرة على بعير ويعتقبونه من قلة الظهر كما تقدم في الحديث كما جاء مفسرا في الآخر تحشر بقيتهم النار. Donc le chef il dit que il y a différentes versions de ce hadith qui prouvent que les hommes qui vont rester encore sur la terre à ce moment-là, ils seront rassemblés, hein, ils seront tous rassemblés vers un seul endroit, et ça c'est vers la fin des temps, ça va arriver. Il y en a qui vont partir et ils vont tous se rassembler vers Hashem, et ils vont être trois catégories de personnes. Une de ces catégories-là, c'est des gens qui vont aller là, qui vont s'en aller vers cet endroit-là avec un intérêt, ou bien parce qu'ils vont partir là-bas, soit pour une autre raison, mais ils vont partir là-bas, puis ils vont être sur une monture. Et dans le hadith, c'est mentionné Al-Ba'ir, et Al-Ba'ir, c'est l'âne, hein, Al-Ba'ir, c'est un âne. Donc, ils vont être soit trois sur un âne, ou dix sur un âne, il y en a plusieurs nombres. Et la raison pourquoi ils vont être plus, dans le hadith, c'est dit qu'ils vont s'échanger la place. Donc, à un moment donné, il y en a qui vont marcher, d'autres qui vont monter. Après ça, l'autre qui a marché. Là, ils vont s'échanger la place sur le dos de l'âne. De cette façon, parce qu'ils n'ont pas assez d'âne pour tout le monde, comme ça a été mentionné. Et le chef il dit que le reste d'entre eux, ça va être, ils vont être rassemblés par le feu, parce qu'il y a un feu qui va sortir vers le Yémen et qui va se répandre sur toute la terre de l'est à l'ouest, et puis qui va rassembler tout le monde vers cette région-là, vers Hacham. Donc le chef il dit وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنْ فتحيط بالناس من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر ومن تخلف منهم أكلته النار وهذا كله مما يدل على أن هذا في آخر الزمان. Donc c'est ça, il y a un feu qui va sortir dans la région du Yémen et qui va envelopper et qui va entourer tous les hommes, hein, et qui va les entourer de tous les côtés, qui va les rassembler vers Hacham. Et ceux qui vont rester en arrière, le feu va les brûler. Donc ça prouve que c'est quelque chose qui va se passer vers la fin des temps. Car le cheikh il dit, parce que la preuve de ça, il y en a حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر والمشترى وغيره حيث تهلك المتخلفين منهم النار. لو كان هذا بعد نفقة البعث لم يبقى الموت ولا ظهر ولا ظهر المشترى ولا أكل ولا شرب. انتهى كلامه. Donc c'est ça, il dit que si c'était quelque chose qui se passait après la fin des temps, c'est-à-dire après la mort ou après que Allah subhanahu wa ta'ala est soufflé dans la trompe, eh bien il n'y aurait plus de mort à ce moment-là, et il n'y aurait plus de rien qui se boit ou qui se monte sur le dos, qui s'achète ou des choses de ce genre-là. Et les gens qui seraient brûlés dans le feu, ben ils seraient pas complètement morts, parce qu'on sait qu'après la mort, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il va faire venir le jugement dernier, eh ben à la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala va faire apparaître la mort comme un genre de mouton, et puis il va l'égorger, il va le faire égorger, et il va dire aujourd'hui c'est fini, il n'y a plus de mort. Donc il va dire aux gens du paradis, il n'y a plus de mort, et il va dire aux gens de l'enfer, il n'y a plus de mort, donc tout le monde va être éternel, soit au paradis ou soit en enfer, et excepté ceux parmi les gens de famille des musulmans qui sont en enfer et qui ont eu de la foi, eux, Inch'Allah, ils vont pouvoir sortir après un certain temps, comme on a déjà parlé de ça, mais ils vont rester dans l'enfer un certain temps quand même. Et après, donc ça c'est une preuve que le hadith ne se passe pas dans quelque chose de l'au-delà. Et le cheikh dit « وَقَدْ جَاءَتْ حَدِيثٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فِي أَخِرِ الزَّمَانِ وَتَخْرُجْ نَارٌ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ وَتَسُوقُ النَّاسِ إِلَى الْمَحْشَرِ. » Donc ça a été rapporté dans d'autres hadiths, que aussi ça va être vers la fin du temps, et qu'il y a un feu qui qui va sortir vers la fin des temps, vers la région du Yémen. Et le chef dit ومنها الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأهل السنن تخرج نار من قعر عدن وتسوقهم أو تسوق أي تحشر الناس تحشر الناس وتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. Donc ça c'est un autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et Muslim et les gens qui rapportent dans leur sunan, les autres savants hadith qui ont rapporté ça aussi dans leur sunan, qui dit qu'il y a un feu qui va sortir vers la région du Yémen et qui va rassembler les gens et qui va dormir, le feu va, il dit, le feu dormira là où il dorme et il va se reposer là, là où il se repose, donc partout où ils vont, ce feu-là va les suivre. D'accord. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قال يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال عليكم بالشام. رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي وهو حديث حسن صحيح غريب. Donc, selon Omar ibn Abdullah, selon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu maqal, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un feu qui va sortir vers Hadramaut, ça aussi c'est une autre ville du Yémen, et ça sera avant le jugement dernier, avant le jour de la résurrection, et ce feu va rassembler les gens. Et les gens ont dit, les sahabas ont dit, ya Rasulallah, ô messager d'Allah, que nous ordonne-tu de faire à ce moment-là? Il a dit, alaykum bisham, allez-vous vers la région du Sham. C'est un hadith, comme on a dit, rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi ibn Hibban dans son livre Sahih et At-Tirmidhi. Et après, le chef il cite les paroles de l'imam As-Safarini et il dit, اختلف العلماء في حشر الناس من المشرق إلى المغرب هل هو يوم القيامة أو قبله؟ قال القرطبي والخطابي وصوبه القاضي أياب إن هذا الحشر يكون قبل يوم القيامة، أما الحشر من القبور فهو على ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا كما في الصحيحين وغيرهما إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. Donc ça c'est les paroles de l'imam Safarini quand il explique, il dit les savants ont divergé au sujet de le rassemblement des hommes de l'Orient et de l'Occident. Est-ce que ce sera avant au jugement dernier ou avant? Et l'imam al-Qurtubi et l'imam al-Khattabi ainsi que Qadi Ayyab également a dit que c'était l'opinion correcte, il a dit que ça va être avant le jugement dernier. Avant le jugement dernier. Et il dit que en ce qui concerne la résurrection des hommes lorsqu'ils vont sortir de leur tombe, et bien ça c'est selon ça c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma dans le Sahihain, c'est-à-dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que les hommes vont être ressuscités comme ils ont été créés, ils seront nus et ils seront nu-pieds et ils seront incirconcis, c'est-à-dire ils ne seront pas circoncis au jugement dernier, ils vont revenir comme ils étaient la première fois. Donc ça prouve que ça c'est pas exactement c'est pas le même rassemblement, c'est-à-dire celui de la résurrection et celui qui va se passer avant la fin des temps, où les hommes vont être rassemblés par un feu, même qui va sortir de la région de par le Yémen et qui va les rassembler vers la région de Hacham. الشيخ الكوتنيدي إلى أن قال وانتصر القاضي أياب لقول الخطابي والقرطبي بأن حديث أبي هريرة تقيل معهم وتبيت وتصبح وتمسي يؤدي أو يؤيد أن الحشر في الدنيا إلى الشام، لأن هذه الأصناف أو هذه الأوصاف مختصة بالدنيا. Le chef il dit que Al-Qadr Iyab a supporté la position de l'imam Al-Qattabi et de l'imam Al-Qurtubi parce que dans le hadith de Abi Huraira, ça dit que le feu dormira là où ils dormiront et il se lèvera, et il continuera lorsqu'ils se réveilleront, etc. Donc, il dit ça montre que ce rassemblement est dans cette vie, présente et non dans l'au-delà, vers la terre de Hacham, parce que ça c'est des caractéristiques qui ont rapport avec la dunya et non des choses qui ont rapport avec l'akhira. C'est-à-dire dans l'akhira, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas de nuit et de jour. Il n'y a pas de sommeil. Naam. قال أيضا يعني ذكر ensuite ذكر القرطبي في تذكرته أن الحشر أربعة حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. donc l'imam al-Qurtubi a mentionné dans son livre Tazkira que il y a quatre rassemblements, d'accord. Al-Hashr, Hashr ça peut vouloir dire différentes choses, ça peut vouloir dire rassemblement, ça peut vouloir dire exode, exil, ouais, exil ou exode, ou ça peut vouloir dire également le fait que les hommes seront rassemblés au jugement dernier, hein, des choses comme ça. Et c'est l'imam, ici l'imam al-Qurtubi, il dit que al-Hashr, il est quatre catégories, ou il y a quatre sortes de Hashr. Il y en a deux qui sont dans cette dunya et deux qui sont dans l'au-delà. Les deux qui sont dans la dunya, le cheikh il dit, فَالَّذَانِ فِي الدُّنْيَا الْمَذْكُورِ فِي سُورَةِ الْحَشْرِ وَهُوَ حَشْرُ الْيَهُودِ إِلَى الشَّامِ وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا قالوا لا اين قال الى ارض المحشر ثم اجلى اخرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جزيره العرب. نعم. donc le chef il dit que les deux, il y en a deux qui vont être dans la dunya, d'accord. Le premier qui va être dans cette dunya, le premier qui a eu lieu dans cette dunya, c'est le al-hashr, le rassemblement des juifs ou l'exode des juifs, ou l'exil des juifs vers la terre de Hacham, d'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit sortez, et ils ont dit où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on doit aller, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ila ard al-mahshar, c'est-à-dire vers la terre où les hommes seront ressuscités ou rassemblés. Donc ça c'est le premier exode. Et puis ça c'était la première portion des juifs qui ont été exilés, c'est-à-dire qui ont été expulsés de l'Arabie, hein, de Médine. Ça c'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, les autres, le reste des juifs ont été expulsés de la péninsule arabe par Omar ibn al-Khattab. Et il les a expulsés à cause des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquelles il avait dit « Ukhruju al-Yahud wal-Nasara min jazirat al-Arab » faites sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule arabe. Et il a dit, l'akhrujanna al-yahuda wa al-nasara min jazirat al-arab. Il a dit, je ferai sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule arabe. Et il a dit dans un hadith, la tajtami'u dinan fi jazirat al-arab. Il n'y a pas deux religions qui peuvent se trouver dans la péninsule arabe. D'accord? Donc c'est un endroit spécifique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'il y ait d'autres que des musulmans dans la péninsule arabe. Non. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des non-musulmans qui sont en Arabie Saoudite, des fois, ça a été expliqué par les ulama, que si, par exemple, les musulmans avaient besoin d'un kafir, d'un non-musulman pour venir pour faire un travail, il peut venir, et ça c'est avec la permission du dirigeant, il vient pour faire un travail, et puis quand c'est terminé, il retourne dans son pays. Il ne reste pas là-bas pour s'éterniser, d'accord. Et même Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il avait parlé de ça, et il a dit que les gens qui sont là-bas, soit chauffeurs ou femmes de maison, ou qui travaillent là-bas comme d'autres jobs mais qui sont pas musulmans, eh ben il avait expliqué que ça, qu'est-ce qui se passe là-bas, c'est pas en accord avec l'islam. Et les gens maintenant ils ont pris ça comme pour acquis que c'est correct de les faire entrer, et puis pourtant c'est contraire au Coran et à la Sunna. Et c'est pour ça que l'imam Ibn Baz il avertissait toujours les musulmans du danger de la présence de ces gens-là dans la péninsule arabe. Et pour montrer aux gens aussi, pour expliquer aux gens que ça c'est contraire à l'islam. Et puis il a mentionné tous les hadiths que j'ai mentionnés tout de suite maintenant. Et il a expliqué que qu'est-ce que les gens ont fait maintenant, c'est exagéré, c'est dépasser là qu'est-ce qui est permis. Et puis il a dit que ceux qui ont des femmes de ménage ou qui ont des bonnes ou des chauffeurs ou des choses comme ça qui ne sont pas musulmans, ils ont incité les gens à annuler leur contrat puis à les faire renvoyer, à les renvoyer dans leur pays. D'accord? En ce qui concerne la question de, par exemple, des soldats américains ou des soldats étrangers qui étaient présents durant la guerre du Golfe et tout, ben ça c'était pour un temps qu'ils sont allés là-bas pour la guerre du Golfe, puis après la guerre du Golfe, ils sont repartis. Les soldats qui sont restés là-bas, ceux qui étaient déjà là, avant même la guerre du Golfe. D'accord? Et eux, ils sont là pour un but de protéger ou défendre les puits de pétrole qui sont là-bas. Donc, ça c'est en accord avec les accords qu'ils ont pris avec les dirigeants de l'Arabie Saoudite. D'accord? Puis, donc en ce qui concerne ces choses-là, ben, ça concerne les dirigeants, c'est eux qui voient où est-ce qu'il est le bien pour les musulmans dans ces questions-là. Sauf qu'alhamdulillah, en ce qui concerne la question de est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram, il n'y a pas de doute que c'est haram que les koufars soient présents dans cet endroit-là. Toutefois, il y a des questions où les ulama ont jugé que c'était une nécessité, ou dans un cas où, par exemple, ils voyaient que c'était nécessaire de le faire, alors ils ont utilisé de leur jugement, ils ont fait l'ijtihad, et c'est la position qu'ils ont adopté. Yani. Alhamdulillah. Donc, il y a des gens parmi les groupes musulmans qui ont dévié de la sunna, qui utilisent ces actions-là comme une preuve ou comme un argument pour attaquer les savants et les dirigeants de l'Arabie Saoudite et les accuser de toutes sortes de crimes et tout. Et puis, en réalité, on voit clairement dans cette attitude-là de leur part une forme de voie à nous poursuivre leur passion. Parce qu'en réalité, cette réalité-là qui s'est passée en Arabie Saoudite, eh ben, elle s'est passée dans beaucoup d'autres pays musulmans. Les musulmans de l'Arabie Saoudite, on en a déjà parlé de ça, les dirigeants là-bas ont jugé que c'était nécessaire pour eux de faire appel à ces gens-là pour se défendre contre une armée d'un pays communiste, socialiste, qui combat la religion islamique d'une certaine façon. Alors ils ont voulu éviter le pire, ils ont jugé que c'était la meilleure opinion. Un homme musulman. Ouais, ben, premièrement, Osama bin Laden, on n'a pas le droit de mettre la photo de, pas seulement si c'est bin Laden, n'importe quelle personne, musulman ou non musulman, on n'a pas le droit de mettre sa photo parce que les photos c'est haram. Même sur la livre, la photo, peu importe où elle est, c'est pas permis. Mais deuxièmement, en plus, Osama bin Laden, c'est pas une personne qu'on doit regarder ou respecter. Parce que c'est une personne qui est déviée, qui a dépassé la limite d'Allah et de son messager, qui a transgressé contre les savants de l'islam. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter à nous de penser que cette personne-là. En fait, il ne faut pas éviter, mais il faut complètement s'éloigner de toute personne, se méfier de toute personne qui considère que cette personne-là est quelqu'un d'important. Ou qu'il a eu raison de faire qu'est-ce qu'il a fait, soit d'attentat, ou qu'il défend, ou qu'il glorifie ses actes. Il y a des gens qui glorifient les attentats, puis les coups de le 11 septembre, puis des choses comme ça, puis qui croient que ça c'est le djihad, et que qu'est-ce qu'il a fait c'était bien. Et puis, y a-t-il des musulmans, y a-t-il des non-musulmans, tout ce qui est arrivé maintenant dans les pays musulmans comme en Irak, en Afghanistan et dans les autres pays, c'est tout à cause de ce que ces gens-là ont fait. Parce que c'est les conséquences maintenant qui se sont répercutées et qui ont suivi cette attaque ou cet acte qu'ils ont fait. Tout ce qui se passe maintenant en Irak, en Afghanistan, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le fruit de ce que cette personne-là a fait en partant. Donc, والشافيش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحشر الثاني المذكور في أشراط الساعة نار تحشر من المشرق إلى المغرب كما في حديث أنس وعبد الله ابن سلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أو عنه مرفوعا تبعث على أهل المشرق نار تحشرهم إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا يكون لها ما يكون لها ما سقط منهم وتخلف وتسوق سوق الجمل وتسوق سوق الجمل. نعم. Donc qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith? Il dit que ça c'est le deuxième. On a parlé du premier, celui que les Juifs, que celui des Juifs qui ont été expulsés de la péninsule arabe. Et deuxièmement, maintenant le deuxième qui va arriver dans cette dunya, le deuxième exode ou exil ou rassemblement, ça va être celui qui a été mentionné comme étant un des signes du jugement dernier. Et c'est un feu qui va sortir de l'Orient et qui va tourner vers l'Occident. Et ça c'est rapporté selon le hadith de Anas et Abdullah ibn Salam, et un hadith aussi de selon Ibn Omar qui dit que les gens de l'Est, les gens de l'Orient, eh ben, il y a un feu qui va sortir de leur côté, et puis qui va les rassembler vers l'Occident, et qui va s'arrêter là où ils s'arrêtent lorsqu'ils vont prendre une sieste, et qui va dormir lorsqu'ils vont dormir, hein, et ceux qui vont rester en arrière, eh ben, le feu va les brûler. Et donc le feu va les conduire comme à la vitesse d'un chameau. C'est-à-dire le feu il va pas rapidement. Et le cheikh il dit قال الحافظ ابن حجر il a dit وكونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشوها الناس من المشرق إلى المغرب لأن الابتداء خروجها من عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها. نعم. Ibn Hajar dit, le fait que ce feu sort du Yémen, ça ne nie pas que les hommes seront rassemblés de l'Orient vers l'Occident. Car le feu, il part de Aden, et lorsqu'il est parti, il se répand sur toute la terre entière. Après, il dit, wal muradu ta'mim al hajar, wa khusus al mashriq wal maghrib, ou annaha ba'd al intishar al أول ما تحشر أهل المشرق. Donc c'est ça. Il dit que le but c'est de montrer que le rassemblement sera général et c'est pas uniquement pour spécifier seulement de l'est et l'ouest, mais c'est pour dire que après que ce feu se soit répandu sur toute la terre, c'est là que toutes les gens vont être rassemblés. Les gens de l'Orient, puis qui va s'en aller vers l'Occident. Et après, le cheikh il dit, وقال القرطبي أما اللذان في الآخرة فحشر الأموات من قبورهم بعد البعث جميعا. L'imam al-Qurtubi, il a dit, en ce qui concerne les deux feux qui vont venir vers la fin des temps, ou les deux rassemblements qui vont arriver vers la fin, après la vie, eh bien c'est le premier rassemblement, c'est le rassemblement des morts lorsqu'ils vont sortir de leur tombe. Et le chef il dit وقال تعالى فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا, et nous les rassemblerons et nous ne laisserons aucun d'entre eux ce jour-là. وحشرهم إلى الجنة والنار, et deuxièmement et ils rassemblent vers le paradis et vers l'enfer. وقال على قول الناظم وآخر الآيات حشر النار كما أتى من محكم الأخبار. نعم. لا الشيخ المعصوم الربيع من طين دم طين طوفي الربيع من طين de poème, mais souvent les ulama ils ont l'habitude de lorsqu'ils ont un sujet à expliquer, ils le mettent en vers pour le faciliter à mémoriser, pour faciliter sa mémorisation. Ils le mettent sous forme de vers. Oui, et il dit wa akhiru al-ayati hashru an-nar. Le dernier parmi les signes du jugement dernier, c'est le feu qui va rassembler les hommes, mais en fin des temps, comme c'est venu dans les rapports des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après il dit وقال آخر الآيات العظام العلامات الجسام حشر النار للناس من المشرق إلى المغرب من اليمن إلى مهاجر إبراهيم وهو أرض الشام كما ترى ذلك مصرحا في محكم الأخبار وصحيح الآثار. Donc c'est ça, le résumé exactement qu'est-ce qu'on vient de dire, que yani, ce sont les grands signes du jugement dernier, et ça c'est le dernier, et que les hommes seront rassemblés de l'Orient vers l'Occident, et que le feu va sortir du Yémen, et qu'il va partir jusqu'à la terre de Cham, et yani, ça a été rapporté dans les citations authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم ذكر الاحاديث الوارده في خروجها من اليمن ومن قعر عدن ابيم وفي كونها تحشر الناس من المشرق الى المغرب وكونها تحشره من ارض الشام وقال في وجه الجمع بين ذلك بان النار ناران احدهما تحشر الناس من المشرق الى المغرب والثانيه تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى المحشر الذي هو أرض الشام. Donc le cheikh il continue à expliquer, il dit ensuite les hadiths qui ont été rapportés au sujet du feu qui va sortir. Il y en a qui disent que ça sort du Yémen, et il y en a d'autres qui disent que ça va rassembler les hommes de l'Orient vers l'Occident. Et le cheikh il dit que le fait qu'ils seront rassemblés vers la terre de Cham, il y en a qui ont dit que, en fait, c'est deux feux qu'il va y avoir, et ça, c'est une des manières qu'ils ont utilisées pour unir les deux hadiths. Donc, il y en a qui ont dit que le feu, c'est en réalité deux feux. Il y en a un feu qui va rassembler les hommes de l'Orient vers l'Occident, et l'autre feu qui va sortir du Yémen et qui va les pousser vers la terre de Hacham. D'accord? Après, le cheikh dit, وقال وإن لم يكن في علم الله إلا نار واحدة فالجمع بين حديث نار تخرج قبل يوم القيامة من حضر موت فتسوق الناس ولفظ تخرج نار من قعر عدن وترحل الناس إلى المحشر وحديث نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب فبأن يقال إن الشام الذي هو محشر المغرب هو المحشر المغرب بالنسبة إلى المشرق فيكون ابتداء خروجها قعر عدن من اليمن فإذا خرجت انتشرت إلى المشرق فتحشر أهله إلى المغرب الذي هو الشام وهو المحشر. نعم. Donc le chef dit que en fait Si par contre c'est un seul feu, même s'il y en a qui ont dit que c'est peut-être deux feux, un qui vient de l'Orient vers l'Occident et un autre qui part du Yémen vers le Nord, c'est-à-dire vers Hacham, mais le cheikh dit, mais si c'est un seul feu, donc dans ce cas-là, la façon dont on peut ramener les différentes versions de ces hadiths, c'est-à-dire entre les versions, par exemple celle qui dit que c'est un feu qui sort de Hadramaut et qui conduit les hommes, et l'autre version qui dit que c'est un feu qui vient de Adam et qui va ramener les hommes vers l'endroit où ils seront rassemblés, et l'autre version qui dit que c'est un feu qui va rassembler les hommes de l'Orient vers l'Occident, et bien on peut dire qu'en réalité le Cham c'est l'endroit de rassemblement, et c'est l'Occident par rapport aux gens de l'Orient. Donc, par rapport aux gens de l'Orient, c'est l'Occident pour eux. Et les gens de l'Orient vont être rassemblés vers cet endroit-là, vers l'Occident. Et c'est Hacham, donc. En fait, yani, c'est des choses du raid. Moi je dis que c'est des choses qui n'ont pas avec Al-Ghaïd, des fois c'est pas facile de les comprendre ou de les expliquer. C'est juste qu'il faut dire, yani, il faut juste dire Amantu Billahi. Hein? Non. À propos de Ta'ifatul Mansura. Yani, en ce moment, à Sham, c'est pas le meilleur endroit à aller pour les musulmans s'ils veulent aller faire l'Hijra. On peut aller vivre là-bas parce que, en ce moment, il y a beaucoup de fitna là-bas, c'est pas vraiment bon en ce qui concerne la religion là. Parce qu'on sait qu'il y a les soufis là-bas qui sont très puissants et on sait qu'il y a aussi les pouvoirs, il y a une parmi les Nusayriya, les groupes de Nusayriya qui dirigent en Syrie. Puis, non, il y a beaucoup de fitna dans ces régions-là actuellement, donc c'est peut-être pas le meilleur endroit à aller. C'est le fils de Hafez al-Assad maintenant qui dirige, et lui c'est un Nusayri. Hafez al-Assad. Hafez al-Assad, c'est l'ancien dirigeant. Ouais. Celui qui dirige actuellement, c'est Bachar. Ouais, Bachar. Lui, il fait partie d'une secte qu'on appelle la Nusayriya. C'est une des sectes qui fait partie des Batiniyas, les sectes ésotériques. Et eux, yani, parmi leur aqidah, c'est que Ali, c'est Allah. Yani. Et qu'ils croient en la réincarnation, si je ne me trompe pas. Yani, puis. C'est une des groupes qui se disent Shia, mais que même les Shia déclarent comme étant des kuffars. Yani. Tellement ils sont extrêmes. Non, donc Ibn Taymiyyah a une fatwa dans son Majmu' Fatawa à leur sujet. Hein, il déclare Mustafar, Zanadiqa. Ce sont parmi les Zanadiqa. C'est comme les Ismaïlites, les groupes de ces derniers. Ben, parce que le parti Ba'ath, c'est le même parti. Le parti Ba'ath en Syrie, c'est le parti Ba'ath en Irak, c'est la même source, la même origine. Sauf que, à l'origine, ceux qui dirigent en Syrie sont des Nusayriyas. Les Français les ont appelés Alawiyas. Alawites. En réalité, ils n'ont rien à voir avec Alawites, hein. C'est parce que c'est une bid'a de le faire avec ces gens-là, c'est un groupe, ça s'appelle Jamaat Tablir. Oui, ils sont invités parce qu'ils savent que tu ne connais pas leur groupe. C'est pour ça ils pensent que tu ne connais rien. C'est qu'il y a des musulmans comme ça, quand ils voient un converti, là, comme toi, comme moi, comme d'autres, ils vont essayer. Oui, ils invitent tout le monde, mais là, ils savent que les gens, ils pensent que les gens ne savent pas. C'est vrai que la plupart des musulmans à Montréal ne connaissent pas vraiment la réalité des groupes et des différentes croyances et des différentes sectes. Et ça, c'est triste, hein, de la part des musulmans, parce que souvent, ils viennent des milieux où il n'y a qu'un seul groupe, où en général, il y a seulement un groupe ou bien quelques groupes, mais tout le monde sait qu'en réalité, ils sont tous sur la même voie. Et quand ils arrivent ici, il y a toutes sortes de tendances, toutes sortes de courants là, qui courent autour là. Les gens ne savent plus comment distinguer le vrai, le faux, la sunna, la bid'a et tout. Mais yani, n'importe quel groupe, n'importe quelle organisation ou n'importe qui appelle à quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu prends qu'est-ce qu'il dit et tu le ramènes et tu le compares au Coran et à la sunna. Et tu regardes, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça? Est-ce que les sahaba ont fait ça? D'accord? Et après, tu regardes, s'ils n'ont pas de preuves, tu laisses tomber. Et tu regardes, est-ce que leur preuve est une preuve qu'ils n'essayent pas de détourner? C'est-à-dire, il y en a des gens qui se font, ils vont mentionner un verset, un hadith et tout. Mais quand tu regardes bien le verset et le hadith, ça n'a même pas rapport avec ce qu'ils essaient de faire. Et ça aussi, ça prend connaissance de qu'est-ce que la voix des sahaba et des tabi'in. D'accord? Moi, quand je suis converti à l'islam au début, je me souviens qu'ils m'ont invité pour aller avec eux. Mais par la suite, tout le monde est passé par eux. ils m'ont invité pour aller avec eux. Mais moi, j'avais un frère algérien qui m'enseignait l'islam au début quand je suis converti. Et lui, il m'a dit depuis le début, va pas avec eux. Et donc, moi, je savais que je devais parler avec eux à cause de ce frère qui m'a enseigné au début qui était salafi. Mais, par la suite, quand même, ils m'ont invité plusieurs fois pour aller avec eux, puis je suis jamais allé. Et puis, je leur demandais toujours des preuves. N'importe quoi qu'ils me disaient, n'importe quoi qu'ils me demandaient, qu'ils faisaient, je disais, donne-moi la preuve dans le Coran, dans la Sunna. Et à la fin, ils se fâchent. Ils se sont fâchés après moi. Allez visiter du monde pour les inviter à l'islam. Ça, c'est correct en islam. Ça fait partie de l'islam. D'accord? Mais c'est la façon dont tu demandes aux musulmans de le faire. C'est ça la différence. Oui, tu inventes des règles, tu inventes des façons. Oui. Oui. Et il faut que ce soit 40 jours, il faut que ce soit 10 jours, 3 jours, 40 jours. Qui a déterminé que ce soit un nombre spécifique de jours? Et pourquoi toi, par exemple, demain, tu ne pourrais pas décider d'aller, toi, avec un autre frère, dire on va aller visiter telle personne pour l'inviter à l'islam? Ouais, c'est pas nécessaire que tu t'en vas exactement avec leur groupe, puis que tu le fasses à leur façon. Parce que eux, ils veulent limiter la façon à une façon spécifique, et c'est leur façon. C'est-à-dire la façon de leur chef, le fondateur de ce groupe, qui s'appelait Mohamed Elias Al-Kandahlaoui, qui vivait en Inde, et qui a commencé ce groupe-là en 1928. Lui, c'est un soufi. Je sais pas si c'est un peu, c'est quoi le soufi? C'est ça. C'est un groupe parmi les musulmans qui pensent qu'ils peuvent arriver à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala en suivant autre que le Coran et la Sunna. C'est-à-dire en suivant les exemples d'autres que l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qui pensent qu'ils peuvent avoir un raccourci pour arriver à ce paradis. En suivant un cheikh, en suivant une autre personne comme ça. Et puis il y en a des gens qui ont beaucoup d'innovation. La plupart d'entre eux, ils vont pas dire qu'ils sont soufis. Sauf qu'ils encouragent les soufis. Et ils supportent les interprétations, puis les attitudes et les croyances même des soufis. D'accord? En fait, c'est ça. Tu vois? C'est comme ça. Ouais. Et puis, il y a une chose. Tu sais, c'est quoi une bid'a? Non. Et c'est quoi une innovation? Ok, mais c'est quoi dans l'islam? Est-ce que tu sais la définition islamique d'une innovation? Comment tu fais pour savoir que c'est une innovation? Et si tu ne sais pas, tu peux dire je ne sais pas. Ça va. Oui, ça c'est une des caractéristiques. Mais la bid'a, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, il n'a pas enseigné aux autres de le faire non plus, et en même temps, ni les sahaba l'ont jamais fait, les premiers musulmans l'ont jamais fait, et puis elle n'a pas de référence, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. D'accord? Donc une chose qui est comme ça, elle ne fait pas partie de l'islam. Donc il faut aussi que la personne qui l'a fait, elle le fait avec l'intention de se rapprocher à Allah. D'accord? Donc, si quelqu'un, il arrive dans la mosquée, il te dit, bon, ok, tu dois prendre le Coran dans tes mains, puis tourner en rond 7 fois sur toi-même, avant de t'asseoir. Si quelqu'un te dit ça, tu vas lui dire, non, mais, montre-moi une preuve. Le Coran est de la Sunna. Mais il y en a des musulmans qui vont te faire d'autres bid'ah, qui vont pas être si évidentes. Bon, ça c'est vrai. Ça c'est dans la sunna. Mais par exemple, dans la mosquée, en rentrant, quand tu rentres, on va dire que tu finis la prière, là tout le monde se tourne, et là, l'imam, il lève ses mains, il commence à faire un dua à haute voix. Tout de suite après la prière, et là tout le monde lève ses mains, puis tout le monde dit amin, amin, après la prière, après chaque prière. Ça c'est pas une sunna de faire ça. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait jamais ça après la prière. Il nous a montré après la prière de faire le zikr 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu akbar, et tu mentionnes une fois la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Et puis après ça, tu peux mentionner « Qul huwa Allahu Ahad » trois fois, « Qul a'udhu bi Rabbil Falaq »« Qul a'udhu bi Rabbil Nas » Tu peux mentionner « Ayatul Kursi » C'est ça le dua « Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdik wa 'ahdika ma istata'at » Ça c'est après le Maghrib et après le Subh. Tu peux mentionner aussi beaucoup d'autres azkar, yani après les prières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné une tonne d'azkar. Sauf que les gens la laissent tomber ça et ils suivent le doigt qu'ils font après chaque prière. Et ça, c'est pas la sunna de le faire comme ça. Même si tu voudrais faire un doigt après ta prière, c'est pas interdit de le faire de temps en temps. Excepté que tu le fais individuellement. Pas par groupe, pas en groupe. C'est-à-dire l'imam le fait, tout le monde dit amin, amin, amin. Mais tu le fais toi-même, ton doigt à toi. Ouais, c'est bon ça. Mais sauf que si par exemple tu vas dire, par exemple comme certains là, comme j'ai dit tout à l'heure, qui lèvent leurs mains et qui font ça comme ça, après chaque prière, ça devient une innovation. Là, le doigt à toi, ça dépend. Si tu veux dire l'imam, mais ça c'est parce qu'il y a des imams là, ils font deux Jumu'ah. Ils font une Jumu'ah en anglais avant, puis quand il a fini le Jumu'ah, quand il a fini de parler en anglais, il se lève, puis là l'imam fait l'azan, le muezzin fait l'azan, et puis là il commence à faire un khutbah, il parle juste en arabe. Il pense que c'est parce que il y a des gens qui pensent que tu n'as pas le droit de parler une autre langue que l'arabe durant le khutbah de Jumu'ah. D'accord? Et puis, à cause de ça, ils vont faire un autre khutbah. Avant le khutbah, ils font un discours. Une fois qui est très très long, assez long quand même. Ouais, c'est ça. Et après qu'ils ont fini, là, ils vont commencer le vrai khutbah en arabe. Et ça, c'est tout à fait normal de faire ça. Est-ce qu'il y a des livres qu'il faut faire attention? Moi j'ai appris. Alhamdulillah. Pardon? Non, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Il faut au moins mentionner les versets et les hadiths en arabe et tout. C'est ça qui est important. Mais par la suite, oui, c'est ça. Le but, c'est que les gens puissent avoir un bénéfice dans ce qu'ils ont entendu. Mais là, le fait de parler en anglais comme ça, puis là-dessus, c'est comme s'il fait deux khutbahs, en fait. Deux khutbahs du mois. Hein? Oui, souvent, c'est, en anglais, c'est un sujet, puis en arabe, c'est un autre sujet. Ouais. Ah, j'ai entendu ça. Bel Agir, le groupe Bel Agir, c'est un groupe. Ça me dit quelque chose, Bel Agir. Ok. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ah ouais. Et Allah le musta'an, ya Rabb. Barakallahu fik. Adara al-Aqam? Et ils ont demandé à parler à la Moustapha? Non, vous savez, en arrière, les frères vont venir faire نعم سبحان الله نعم ces gens-là ils suivent les soufis les voix des soufis qui ont amené du chant islamique. Là. Ça fait pas partie de l'islam de chanter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a jamais enseigné de chanter pour adorer Allah. L'adoration d'Allah, ça se limite à qu'est-ce qu'il en est dans la sunna. Maintenant, ces gens-là, ils prennent on a parlé de ça l'autre jour, des exemples qu'ils prennent pour essayer de justifier la fonction de la musique, comme le fait que dans l'Eid ou lors d'un mariage, il y avait des petites filles qui tapaient sur le tambour et sur le dos, et qui chantaient des petites chansons, là, qui se basent là-dessus pour essayer de dire, ah, ça c'est la permission de la musique dans l'islam. Ibn Qayyim al-Jawziyya dans son livre, Irasatul Lahfan, quand on prend l'affaire là pour couper le blé là, ouais, la fossine, ouais, eh ben il a coupé comme ça. Non, il n'aurait plus aucun argument après. Alhamdulillah, il nous a récité et récité à fond, solide. Les choses qu'il a appris, hein. C'est-à-dire, envoyer le. Non. Prier, c'est-à-dire, envoyer le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Non, c'est prier, là, dans le sens où faire des prières pour lui, là. C'est-à-dire, prier au prophète. Ah, là. Demande, ouais, c'est ça, demandé par, comme les soucis. Ouais, non, ça c'est grave, non, ça c'est shirk. Shirk billah. Non. Donc c'est ça, ya ikhwa, alhamdulillah. Donc, ouais. Non. Non. Si vous êtes capable d'apprendre à partir d'ici, yani, alhamdulillah, essayez de trouver les livres pour apprendre l'arabe, si vous en trouvez. Faites des photocopies, j'ai rien à faire. Il y a le frère Moustapha qui a une copie du livre de l'université de Médine, ou des cours d'arabe. Vous pouvez lui demander, puis on fera des photocopies pour les frères, et puis on essaiera de commencer à apprendre un peu l'arabe, Inch'Allah, parce que ça c'est important. Les gens de Bid'a sont tellement rusés, sont tellement sans gêne et sans honte, ils sont prêts à tout pour attirer les gens vers l'égarement, et la meilleure façon de se protéger de ça, c'est d'avoir la connaissance. Parce que ces gens-là, quand ils voient la connaissance, quelqu'un qui connaît le Coran et la Sunna, ils s'enfuient comme quelqu'un qui s'enfuit quand il vient de voir un lion. Et subhanallah. Parce que quand ils voient quelqu'un qui ne sait pas, quand ils voient quelqu'un qui ne sait pas bien, même si tu sais que qu'est-ce qu'il dit est faux, mais tu n'es pas capable de lui répondre. Mais quand il trouve quelqu'un qui sait comment lui répondre, il va même pas rester. Il va prendre ses jambes à son cou, puis il va s'éclipser comme. Oui, alors, quoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il a créé les gens qui aiment la vérité, il a créé les gens qui aiment le mensonge. Et dans ça, il y a une sagesse. C'est pour tester les hommes. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا. Allah, il a créé pour chaque prophète un ennemi. Hein? Et ça, c'est pour qu'il y ait un test. C'est pour ça que Allah a créé Iblis. Et c'est pour ça que Allah a créé le paradis et l'enfer. Et il a dit qu'il va remplir l'enfer des hommes et des djinns. C'est eux qui vont remplir le paradis avec les croyants. Et donc, il y a eu des juifs au début. Ils ont eu leurs prophètes. Ils ont eu un nombre très grand de différents prophètes. Avec des preuves et des explications et des clarifications. malgré tout, se sont divisés, se sont égarés. Par la suite, il y a Isa ibn Maryam. Isa est venu avec les signes, les preuves, les miracles. Et il leur a tout montré, malgré tout, qu'est-ce qu'ils ont fait, se sont divisés, se sont égarés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec la vérité et la clarté et la lumière, avec le Coran et la Sunna. Hein? Et il a clarifié à la Ummah tout ce qu'il devait savoir sur l'islam. Et il a dit, vous allez vous diviser en 73 sectes. Une seule sera au paradis et 72 seront en enfer. Les gens ont dit, laquelle sera-t-elle, ya Rasulallah? Il a dit, celle qui me suit moi ainsi que mes sahaba. Ce que je suis moi-même ainsi que ce que suivent mes sahaba. Donc, oui, il y a une autre narration comme ça. Ahl Bayti, c'est peut-être pas exactement la même réaction, exactement, mais sauf que Ahl Bayt, Alhamdulillah, ils font partie des salafs. Il a inversé la situation. Non. Exactement. Je connais la plupart des livres en français, mais malgré tout, alhamdulillah, il faut toujours faire attention. Et puis, cette attitude-là, c'est cette attitude que le frère explique là, c'est la bonne attitude à prendre en réalité, que tu prends uniquement des sources qui sont authentiques et des sources qui sont fiables dans la religion. On sait qu'un des salafs, il disait, Mohammed ibn Sirin, il disait, « Inna hadha al-ilm din, fal yanzur ayyukum mimman ta'khudhuna dinakum. » Faites attention à cette connaissance, c'est la religion. Alors faites attention de qui vous prenez votre religion. Ce n'est pas votre religion de n'importe qui. Prenez uniquement... Oui, pas parce que même dans l'ancien sphère, mais prenez attention, prenez garde à qui, de qui vous prenez votre religion, et puis toujours vérifier les informations, que les ressources, les sources et les informations que la personne vous donne. Donc là, ici, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Il y a aussi une chose que je voulais mentionner.